Session 2 de La femme cachée par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. L'aube. La soudaineté chirurgicale de leur rupture le laissa stupide. Seul dans cette maison que leur couple, quasi conjugal, habitait depuis quelques 20 ans, il ne parvenait pas, au bout de 8 jours, à s'évader de l'hébétude pour entrer dans le chagrin. Il se battait comiquement contre la disparition des objets usuels, tançait son valet de chambre d'une manière enfantine. « Enfin, c'est faux col, quoi, on ne les a pas mangés. Et ne me dites pas que je n'ai plus de savon en bâton pour la barbe. Il y en avait 2 tubes, là, dans la petite armoire de la salle de bain. Vous n'allez pas me faire croire que c'est parce que madame n'est pas là que je n'ai plus de savon à barbe. » Effaré de ne plus se sentir rappelé à l'ordre, il oubliait l'heure des repas, rentrait sans motif, sortait pour fuir, barbotait, à demi suffoqué, au bout d'un fil qu'une main impérieuse de femme ne tendait plus. Il prenait ses amis à témoin, les gênait, offensait leur réserve d'hommes infidèles ou asservis. « Mon cher, c'est incroyable. De plus malin que moi n'y comprendrait rien. Aline est partie. Elle est partie, voilà. Et pas seule, vous pensez? Elle est partie. Je le répéterai 100 fois que je ne trouverai rien à ajouter. Il paraît que ce sont des choses qui arrivent tous les jours à je ne sais combien de maris. Que voulez-vous? Je n'en reviens pas. Non, je n'en reviens pas. » Il arrondissait les yeux, ouvrait les bras, les laissait retomber. Il n'avait l'air ni tragique ni humilié, et ses amis le méprisaient un peu. « Il baisse. Ah, il baisse. À son âge, ça lui apportait un coup. » Il parlait de lui comme d'un vieillard, secrètement content de diminuer enfin ce bel homme grisonnant, qui n'avait jamais eu de déboire amoureux. Sa belle Aline, il trouvait ça tout naturel qu'à 45 ans, elle soit tout d'un coup devenue blonde, avec un teint comme une fleur artificielle, et qu'elle ait changé de couturier, de bottier. Il ne s'est pas méfié. Un jour, il prit le train, parce que son valet de chambre lui avait demandé 8 jours de congé. Comme il y a moins d'ouvrage par le fait de l'absence de madame, j'ai pensé... Et aussi, parce qu'il perdait progressivement le sommeil, s'endormant au jour après des veilles de chasseurs, des affûts immobiles dans le noir, les mâchoires jointes et les oreilles remuantes. Il partit, un soir, évitant la maison de campagne achetée par lui 15 ans avant et meublée pour Aline. Il prit un billet pour une grande ville de la province, où il se souvenait d'avoir porté la bonne parole et banqueté aux frais de l'extension économique. « Un bon hôtel, se dit-il, un restaurant à vieille cuisine française, voilà mon affaire. Je ne veux pas en crever, n'est-ce pas, de cette histoire? Eh bien, dépaysons-nous. Le voyage, la bonne chère. » En route, il mirait, dans la glace du compartiment, sa taille encore droite, la brosse grise qui cachait sa bouche détendue. « Pas mal, pas mal. Fichtre nom, je n'en crèverai pas la matine. » Il n'ajoute rien à l'infidèle que de ce petit nom, modéré, démodé, qui sert encore, dans la bouche des gens âgés, à complimenter la jeunesse imprudente. Il demanda à l'hôtel la même chambre que l'an passé. Une rotonde, vous savez, d'où on a une jolie vue sur la place. Il soupa de viande froide et de bière et se coucha, comme la nuit allait s'achever. Sa lassitude lui fit croire qu'un prompt repos récompenserait sa fugue. Couché sur le dos, il goûtait la fraîcheur des draps, pas assez secs, et calculait dans l'obscurité la place oubliée de la grande baie en rotonde, d'après 2 hautes ampes de lumière bleuâtre, entre les rideaux déployés. En effet, il chut brusquement dans le sommeil quelques secondes et s'en éveilla, sans remède, pour avoir inconsciemment ménagé, d'un recul de jambes, la place de celle qui, absente maintenant le jour et la nuit, revenait fidèlement à la faveur du sommeil. Il s'éveilla et prononça, courageusement, la phrase conjuratoire. « Allons, voilà bientôt le jour, un peu de patience. » Les 2 hampes bleues tournaient au rose et il entendit sur la place le vacarme cordial et comme enroué des seaux de bois cerclés de fer, et le ploc des gros pieds patients des chevaux. Tout à fait le bruit des écuries à Fontainebleau, dans cette villa que nous avions louée près de l'hôtel. Quand le jour se levait, nous écoutions, il frémit, se retourna, exigea de nouveau le sommeil. D'ailleurs, les chevaux et les seaux se taisaient. D'autres bruits, plus discrets, montèrent par la fenêtre ouverte. Il distingua le son plein et mat des pots de fleurs qu'on décharge d'une voiture, une pluie légère d'arrosage sur des plantes, et le choc doux de grandes brassées de feuillage jetées à terre. « Un marché aux fleurs, se dit l'insomnieux. Oh, je ne peux pas m'y tromper. » À Strasbourg, pendant ce voyage que nous fîmes, le lever du jour nous découvrait un charmant marché aux fleurs, sous nos fenêtres, et elle disait qu'elle n'avait jamais vu des cinéraires si bleus que... Il s'assit, pour résister mieux à un désespoir, dont le flux battait par vagues régulières, un désespoir nouveau, tout frais, inconnu. Sous le pont proche, des rames frappèrent le fleuve assoupi, et le vol des premières hirondelles sifflantes perfora l'air. C'est le petit matin de Côme. Les hirondelles qui suivaient la barque du jardinier, chargées de fruits et de légumes, dont l'odeur entrait par notre croisée, à la villa d'Est. Mon Dieu, prenez en pitié! Il eut encore la force de rougir, d'une prière commencée, bien que le mal de la solitude et du souvenir le courba sur son lit, comme un homme atteint à la poitrine. 20 années! Toutes les aubes de 20 années versaient, sur la tête d'une compagne endormie, ou veillant à son flanc, leurs rayons pâles ou vifs, leurs cris d'oiseaux, leurs perles de pluie. 20 années! Je n'en veux pas crever! Hé, fichtre! 20 années, c'est quelque chose! Mais j'ai eu avant elle d'autres aurores! Ainsi, voyons, quand j'étais un tout jeune homme. Mais il ne ressuscita que des crépuscules d'étudiants pauvres, des matins d'école de droit tout gris, réchauffés de lait bleu ou d'alcool, des matins de chambres meublées, de cuvettes étroites et de seaux de zingue. Il s'en détourna, appela à son secours son adolescence et les aubes de jadis, mais elles vinrent, basses, amères, surgies d'un lit de fer boiteux, prisonnières d'un temps misérable, marquées à la joue d'une gifle chaude, traînant des souliers à semelles spongieuses. L'homme abandonné connut qu'il n'avait aucun refuge et qu'il lutterait en vain contre le retour de la lumière, que la cruelle et familière harmonie de la première heure du jour chanterait un seul nom, rouvrirait une seule blessure, chaque fois rafraîchie et neuve. Alors, il se recoucha et éclata docilement en sanglots. Fin de la section 2.